Je m'étais juré, promis, de plus jamais t'aimer. Je m'étais juré, promis, que tu ne serais plus dans ma vie. À travers mes larmes.